nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La première était née en 1920 dans la bourgeoisie parisienne et avait publié l'année précédente un livre best-seller dans lequel elle dénonçait l'infini servage des femmes et la pratique de l'excision. La seconde était née à Marseille en 1936, avait été enseignante puis, après une analyse avec Lacan, psychanalyste. Au sein du mouvement de libération des femmes, elle animait le groupe psychanalysé politique, également nommé Psychépo. Deux figures de ce que l'on appelle le féminisme, terme que la seconde rejetait d'ailleurs vigoureusement, comme elle l'expliquait ici. Le 17 février 1976, Benoît Groux et Antoinette, c'est-à-dire Antoinette Fouque, étaient les invités de Roger Pilaudin pour un dialogue enregistré en public, intitulé « Féminisme ou lutte de femmes ». Que vous avez pensé de l'année de la femme ? Je ne sais pas, pas grand-chose. Hein. Ça ne va pas apporter grand-chose sur le plan pour elle, quoi, pour sa liberté. Et maintenant que c'est fini C'est pareil, ça change rien. Je crois que l'année de la femme, il y a eu certains bons côtés, question niveau des salaires, mais enfin, les femmes qui étaient libérées avant l'ont toujours été, c'est pas l'année de la femme qui les a libérées plus spécialement. Hein. Sur l'année de la femme, ce que vous en avez pensé? Oui, j'ai vu que c'était marqué sur les galeries Lafayette. Bon, l'année de la femme, ça pousse à la consommation, c'est une grosse supercherie, c'est tout. Vous en foutez? Non, je m'en fous pas, mais je crois qu'on les prend pour des imbéciles, quoi, c'est tout. Qui? Pas les femmes. Ah si, ça a été rabâché très souvent, à la télé notamment. Enfin, Ménie Grégoire, enfin, toutes ces bonnes femmes-là, même au niveau du gouvernement, Simone Veil, François Giroud, enfin, tout ça, on en a marre de voir ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, même dans le cas où il y aurait des femmes, qu'elles sont un petit peu plus représentatives de la qualité féminine. Hein, qu'elles soient féminines déjà en elles-mêmes. Chose qu'elles ne sont pas pour la plupart. Je pense à une autre, là, de l'ORTF, là, Annick Beauchamp. Bon, non, elle a l'air, c'est presque une insulte à l'homme qu'elle fait le soir à la télé quand elle donne un conseil à la femme. Ah bon? Ah oui, presque. Vous avez le droit de ceci, n'oubliez pas que... Mais vis-à-vis du divorce ou vis-à-vis de ceci ou de cela, enfin voyez, en gros... Non, c'est absolument, on en a eu assez, oui. Ah mais qu'est-ce que vous pensez de l'année de la femme? Rien. La femme, ça continue toujours pareil, malheureusement, pour nous tous. Parce qu'il faut que la femme se libère, hein. Pour livrer la femme, il faut changer toute la société où on doit qu'on vive. Puis nous autres, les hommes, il faut aussi que ça change. Ouais. Parce que bien que des femmes ou des hommes, c'est pareil. Il faut qu'on travaille ensemble, qu'on vive ensemble. Parce qu'on est femme qui a moins le droit de les hommes. Voilà, c'était donc un exergue au dialogue de ce soir. Quelques... réflexion évidemment masculine, passablement désabusée et en tout cas assez peu originale sur l'année de la femme. À ces réflexions, d'ailleurs, les femmes peuvent répondre. L'année de la femme est passée, sans doute, le combat continue. Sur le thème « Féminisme ou lutte de femmes », ce dialogue a été enregistré au Centre culturel Gérard Philippe, Maison pour tous, des Clés sous bois, lors de la dernière fête du livre organisée par son dynamique directeur André Brouillet. Il réunit la romancière Benoîte Groult, dont le dernier ouvrage publié chez Grasset a connu un grand succès, Ainsi soit-elle, et une femme du mouvement de libération des femmes, Antoinette. Benoîte Groult, féminisme ou lutte de femmes, ce n'est donc pas la même chose. Oui, j'ai été étonnée de ce titre, parce que féminisme et lutte des femmes, je ne vois pas bien la différence, puisque le féminisme, dans la définition du Larousse, c'est chercher à améliorer le sort des femmes. Alors au fond, c'est une lutte de femmes. Quelle est l'antinomie entre les deux termes? Je ne vois pas. Quand on devient féministe, je crois qu'on se met à lutter. Antoinette? Oui, c'est vrai. Seulement dans votre livre, par exemple, vous disiez à la fois que vous êtes devenue féministe, que vous avez écrit ce livre, et puis que vous n'êtes pas au MLF, par exemple. Et peut-on imaginer qu'il y a des femmes au MLF qui ne sont pas féministes, par exemple? Je ou bien pense qu'il pas. Y a des femmes en lutte. Alors on peut être féministe et ne pas être au MLF. Mais si on est au MLF, on est à coup sûr féministe. Il me semble. Oui, il me semble que c'est la pointe, le fer de lance du féminisme. Et c'est ce qui a sensibilisé beaucoup de femmes, soit d'une manière négative, soit d'une manière sympathisante, aux problèmes féminins. Parce que je crois que le propre des femmes, souvent, c'est de ne pas avoir pris conscience de leur situation. C'est de voir que leurs problèmes étaient individuels, des problèmes de couple ou des problèmes de classe. Et je crois que grâce au MLF et à d'autres mouvements, certainement, elles ont pris conscience qu'il y avait un problème féminin, en dehors de tous les autres, et qu'elles ont des intérêts communs, et que si elles ne les prennent pas en main, ce n'est pas les hommes qui viendront les défendre. Il me semble que c'est ça la grande nouveauté de ces quelques années qui viennent de s'écouler, où les femmes ont un peu pris conscience, où elles se réunissent, où elles vont dans des clubs. Où... Elles sortent enfin de leur isolement, je crois. Sans ça, quelle différence, voyez-vous ? Toutes les MLF sont féministes, non ? Et Antoinette ? Non, justement, enfin, c'est très difficile à dire, mais il faut essayer de le dire, sinon y arriver. Moi, je crois que je n'ai jamais été féministe, que je ne le suis jamais devenue, parce que le devenir, ça aurait été... effectivement, entrer dans quelque chose, je veux dire, bon, tout d'un coup, changer ma manière de vivre pour entrer dans quelque chose qui existait. J'ai toujours su qu'il y avait le féminisme. Je n'ai jamais pu adhérer à une idéologie féministe. En mai, s'est passé un certain bouleversement idéologique, politique, en mai 68, social, une réactivation de lutte des classes, quelque chose de très, très profondément bouleversant qui mettait vraiment à nu un certain nombre de problèmes, et notamment, puisque c'est parti de Nanterre, les problèmes de la sexualité. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, j'ai pu me mettre en lutte. Et bien sûr, avec ces gens qui avaient commencé, mais je me suis demandé où était, pour moi, la spécificité de la lutte. Je me suis aperçu que je ne pouvais vraiment participer, être là, que si je posais des problèmes de femmes. Je ne me suis pas demandé si c'était le féminisme ou pas du féminisme, et j'ai essayé pas à pas de comprendre où ça n'allait pas, ce qui n'allait pas, par quoi j'étais opprimée, par quoi brimée, opprimée profondément. Et il m'est apparu, entre autres, très vite, qu'une des choses qui venait aussi m'opprimer, ça pouvait bien être une certaine idéologie féministe, un certain nombre de modèles que des femmes qui étaient féministes depuis longtemps, qui avaient prévu ou qui avaient imaginé, ou qui avaient même été à l'initiative de cette espèce de rupture qui était le mouvement des femmes, que cette idéologie féministe, donc, pouvait, sur certains points, me brimer aussi et m'opprimer. En tant que femme qui essayait de dire ces points de lutte, ces moments de contradiction, ces oppressions. Benoît Groult. Mais j'aimerais que vous me disiez, quelle était-elle, cette idéologie féministe ? Je ne vois pas bien ce que vous voulez dire par là. En quoi elle vous opprimait ? Je comprends que l'idéologie masculine vous opprimait, enfin l'idéologie de la société, l'image de la femme uniquement mère, uniquement au foyer, un peu écartée de la vie sociale. Mais l'idéologie féministe, j'avoue que je ne vois pas. Antoinette ? Eh bien, il me semble que si vous voulez, si on dit justement l'image de la femme, l'idéologie de la masculinité, comme on la lit dans toute la littérature, vous l'avez très, très bien analysée, dans Ainsi soit-elle, je pense que là où il y a idéologie, il y a image. Et que ce que le féminisme proposait, c'était contre une image, une autre. Et il y a quelque chose, il y a un lieu de cette femme que je suis ou que je ne suis pas encore, je ne sais pas, qui ne seront peut-être jamais les femmes, qui refusaient un certain nombre d'images qui étaient proposées en échange des mauvaises images. Ça aurait été des bonnes images, si vous voulez. Et je crois que là, il faudrait faire une lecture, effectivement, de tous les textes féministes pour voir quelles sont les nouvelles images proposées. Et savoir si beaucoup de femmes souhaitent comme ça changer d'image, en quelque sorte. Par exemple, tenez, une des images qui m'a profondément opprimée et aliénée dès le début de ce moment où je balbutiais, où je reprenais la parole, parce que dire que les femmes prennent la parole, c'est une absurdité, nous avons toujours été des animaux doués de parole. Hein. Nous sommes ni des chats, ni des chiens, ni des vaches. Nous l'avons quelque part, on nous la boucle, bon, alors nous la reprenons. Et on me mettait dans la bouche des slogans, du féminisme américain, par exemple. Parce que là-bas, le féminisme était avancé. Avancé en quoi ? Avancé vers quoi ? Avancé sur mon retard, peut-être, mais d'ici, il fallait bien qui pouvait le rattraper à ma place, mon retard ? Qui pouvait lutter ? Pas les féministes américaines. Un des points d'oppression fondamentale, par exemple, dans le mouvement, ça a été l'image des féministes américaines. Remarquez qu'à la télévision, vous avez vu cette émission, il y a eu une émission sur les femmes en France. Il y a eu en vedette deux femmes. Une qui était une grecque passant par Oxford, et une autre qui était une américaine lesbienne. On pouvait parler du lesbianisme, mais parler de l'homosexualité en France, d'une femme ici maintenant, ça s'est pas vu encore à la télévision. Mais parler du lesbianisme de Kate Millett, c'est là-bas, c'est les Amériques, mon Dieu. Après tout, ça peut se passer, ça peut même être sympathique. C'est loin, c'est la conjuration. Vous voyez, bon, je pense que c'est une forme d'oppression. Je pense que les deux écrivains français à la télévision qui avaient des choses à dire ont été là aussi sous le boisseau. C'est une forme, si vous voulez. Je n'attaque en aucune manière la personne de Kate, qu'il n'y ait pas de malentendu. Hein. C'est pas une question de personne. C'est une question justement de structure, d'idéologie et d'image qui est proposée à la place, si vous voulez, d'un corps. Et je crois que d'ailleurs, à l'émission de télévision, ce qui a bouleversé les choses, c'est que Kate était là avec son corps, et qu'en quelque sorte elle a fait éclater une espèce d'idéologie où on voulait la maintenir, l'américaine, la lesbienne, et ainsi de suite. Oui, mais en face, Ariana Stassinopoulos, la grecque d'Oxford, était là avec son corps aussi. C'était la jolie femme typique de 21 ans, en face d'une autre de 41 qui avait un visage plus tourmenté. C'était donc du très malhonnête, cette émission, je trouve. Moi, je trouvais qu'il y avait Kate Millett avec son corps, avec son côté charnel, vivant, vibrant et très, très présent. Et puis qu'en face, il y avait un masque, il y avait une image, oui, justement. Il y avait un masque, il y avait une affiche. Oui, une affiche. Exactement. Bernard Gruelt. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est voulu, que ça fait partie de l'espèce de campagne qui dure au fond depuis longtemps pour montrer les féministes comme des numéros exceptionnels, ou des malades, ou des hystériques, ou des femmes frustrées, ou des mégères? Ah oui, alors on montre toujours des animaux de cirque au lieu de montrer des femmes comme les autres et qui ont envie de se battre parfois. Je crois qu'on ne cherche pas des images différentes de celles qu'on nous proposait, on demande le droit à la diversité, je crois. Oui, alors donc justement, c'est encore mieux que l'égalité. Ce qui apparaît là, ce qu'on vient de dire, c'est que par exemple, si on prend cet exemple de télévision, parce que c'est un objet que nous pouvons avoir en commun, beaucoup de gens voient les émissions, voient la télévision. Il y avait d'une part Kate qui est une femme, qui a un corps, qui est quelqu'un de différent, de singulier, qui ne ressemble à personne. C'est pour ça d'ailleurs, comme dit la chanson, qu'on peut l'aimer. Et il y a le féminisme, si vous voulez, qui est, bon, que je ressens, que je perçois, que je sais être une idéologie totalisante, globalisante, en quelque sorte, on pourrait dire, de manière tout à fait, je ne sais pas moi, ironique, le féminisme est un humanisme, par exemple. Alors vous ne vous considérez pas comme une féministe ? Absolument pas, non. Enfin, je ne me considère comme appartenant à aucun isme, si vous voulez. Et je crois que c'est une des démarches fondamentales des femmes en lutte. Aucun isme ne me séduit. Ni le trotskisme, ni le marxisme, ni le féminisme, ni le socialisme. Je crois que le propre moment de la lutte des femmes, et j'ai employé exprès des ismes là, à gauche. Enfin, je n'ai pas dit, bien sûr, j'ai laissé de côté franquisme, fascisme. Ça, personne n'en veut, mais bon. Les féministes elles-mêmes disent qu'elles ne veulent d'aucun modèle, mais voilà que le féminisme avec un grand F et un grand isme ressurgit à la fin pour clôturer, pour déjà, je ne sais pas, limiter en quelque sorte quelque chose qui naît, qui renaît tous les jours, on ne sait pas ce que ce sera. Bernard Gruelt. Oui, mais il me semble que depuis quelques années, surtout depuis 2 ans, ça a pris une telle ampleur, ce mouvement des femmes, même celles qui ne le savent presque pas encore, qui le ressentent vaguement, qui va se diversifier énormément. Au fond, on ne sait pas encore exactement quel va être quel va être le caractère, le type, les réflexes de la femme de demain. Parce que jusqu'ici, ils ont toujours été imposés, au fond, par une société, par une morale, par une religion. Elles sont en train de se découvrir, les femmes. Mais oui, mais vous pensez bien qu'il n'y aurait pas de lutte politique si on les laissait se découvrir. Il n'est que de voir qu'a surgi comme ça par hasard, il n'y a que des hasards en histoire, une année internationale de la femme en 1975. Et bon, on a dit et redit après tout que ça pouvait être l'année du cancer, c'est-à-dire on commence à s'en débarrasser. Enfin, qu'il y ait eu une tentative de ce côté-là. Et enfin, je veux dire, ça a été quand même. Il y a 2 choses qui m'ont frappé, c'est que la première émission gouvernementale sur les femmes a été Les femmes à la barre. Les derniers mots que j'ai entendu dire à Valérie Giscard d'Estaing à la radio ces derniers jours, ça a été « je tiens la barre ». Et alors cette barre, elle est passée comme ça, des mains de Giscard, aux mains de, des femmes. C'est vrai qu'il y a un éveil, c'est vrai qu'il y a une découverte, c'est vrai aussi qu'il y aura une canalisation de cette force, une lutte politique pour qu'elle aille dans le sens où il est opportun qu'elle aille et qu'elle fasse le jeu d'un certain pouvoir, du pouvoir peut-être tout court. Je ne dis pas forcément de notre actuel président de la République. C'est beaucoup plus vaste que ça. Moi, je crois qu'à la fin de l'année, on va assister à un enterrement de première classe de l'année de la femme et de beaucoup de revendications féminines, mais ils se trompent complètement parce que cette espèce de résurrection ne se laissera pas... Enfin, on ne va pas redisparaître. Je crois que beaucoup de femmes ont pris conscience cette année. Il est de bon ton, il est à la mode aussi de dire que ça n'a servi à rien, que ça a été récupéré. Moi, je suis persuadée que ça a été l'occasion tout de même d'étudier des problèmes, de se réunir, d'en parler. Et quand on a commencé à s'intéresser au problème de la condition féminine, on ne peut plus s'en décrocher. Enfin, moi, j'ai commencé mon livre sans me dire vraiment que j'étais devenue, disons, femme en lutte, puisque vous me précisez que féministe est peut-être un terme étroit. Mais vous avez le droit de vous dire féministe. On peut se battre sur les mots, c'est sûr. Et puis, à mesure que j'écrivais ce livre, je me passionnais de plus en plus, je me sentais de plus en plus convaincue de la nécessité de lutter pour la condition féminine aujourd'hui, en 75, où pourtant on se dit, ça y est, les lois se sont améliorées, mais les mentalités n'ont pas beaucoup changé, finalement. Et je crois que quand on a commencé à s'y intéresser, à étudier ces problèmes, eh bien, on ne peut pas du tout retourner à la niche comme on va essayer de nous le conseiller à la fin de l'année. Et oui, seulement, s'intéresser aux problèmes, ça n'implique pas forcément qu'on ait à tout moment les moyens de les poser de manière opportune. Je veux dire, dans son propre intérêt, on peut vous les poser, les problèmes, et puis qu'on puisse les résoudre aussi. Et oui, il y a quelque chose qui m'a frappé dans une autre de ces émissions de télévision qui ont un très grand public. Le commentateur, qui était Bernard Pivot, avait fait un lapsus et au lieu de dire « libération des femmes », il avait dit « libéralisation de la femme ». Le hasard historique, toujours le même, a voulu que dans la même année, les prostituées, par exemple, fassent parler d'elles, commencent un mouvement. Et c'est vrai que c'est un slogan du mouvement et de toute femme de dire un jour « nous sommes toutes des prostituées, nous savons que nous avons été vendues comme marchandises parce que nous sommes des femmes et que les femmes circulent comme des objets, pas forcément de désir, comme des objets, comme de la chair, disons, entre les mâles détenteurs du discours. C'est ce qui font de l'interdit de l'inceste. Enfin, on ne va pas remonter à des choses savantes, mais tout le monde le sent dans son corps. Chaque femme le sait, ça. C'est pas la peine d'en faire appel à tel père anthropologue ou ethnologue. Bon, eh bien, les femmes, nous avons dit au début du mouvement, nous sommes toutes des prostituées. Vous l'écrivez dans votre livre. Les prostituées sont mises en lutte. Mais à partir du moment où nous disons « nous sommes toutes des prostituées », quelle est la suite? Faut-il libéraliser la prostitution? Ou bien, quand nous partons du point « nous sommes toutes des prostituées », ajoutons-nous « nous ne voulons plus être des prostituées ». Et là, je veux dire, quand un problème est posé historiquement, il y a le rapport de force, la lutte politique, le rapport au pouvoir, et qu'un certain pouvoir en place va faire en sorte qu'il soit résolu d'une certaine manière, le problème, et pas d'un autre. Et que les femmes même qui l'ont posé, les gens qui l'ont posé, vont avoir des difficultés à le résoudre comme peut-être elles le souhaitaient au départ. Il me semble que ce problème de la prostitution, par exemple, est fondamental, de l'impasse où il peut se trouver. Nous sommes tous des prostituées, je ne sais pas, point suivant, libéralisation des femmes, c'est-à-dire vente libre, au fond. Sexe. Oui. Et il me semble qu'il y a un danger dans le féminisme qui peut être le même. Qui peut être que la libération des femmes devienne la libéralisation à un niveau infiniment plus abstrait, beaucoup plus idéologique, beaucoup plus même symbolique, la libéralisation des femmes. C'est-à-dire faire entrer les femmes dans le marché d'une production où elles serviront un pouvoir. Ça peut être une production capitaliste, parce qu'elles sont, vous le dites, une énergie qui n'a jamais été utilisée. Ça peut être aussi une production socialiste. On voit en Chine comment les femmes sont à la barre. Elles conduisent la locomotive de Shanghai. Elles ont tous les postes qu'ici, on leur refuse. Les postes de travail à la production. Elles alimentent un certain type de production dans lesquelles elles sont prises par une structure qui est ce qu'elle est, qui se trouve être une structure socialiste. Elles apportent de l'énergie vers quelque chose qui, finalement, pas forcément ne les concerne, ou en tout cas, les concerne comme travailleurs avant de les concerner comme femmes. Par exemple. Il me semble que c'est un des dangers du féminisme que de peut-être ne pas se donner toujours les moyens analytiques et pratiques et réellement politiques, de résoudre les problèmes que, dans un moment de révolte, on s'est posés, les femmes se sont posées, et de laisser un certain nombre de forces concurrentes, de forces en lutte contre les libérations, de laisser résoudre. Benoît de Groult. Oui, mais ça, je crois que c'est utopique de penser qu'en 10 ans ou en 15 ans, les femmes vont... Arrivées, elles ont déjà un problème personnel à résoudre, parce qu'au fond, chacune a son employeur particulier à domicile. C'est très différent. Il ne peut pas y avoir de syndicat de femmes où elles s'expliquent les choses. Les clubs et le MLF et les autres associations en tiennent un peu lieu. Mais il y a d'abord un problème local et personnel et intime et passionnel à résoudre. Ce qui vous freine ensuite dans la prise de conscience plus politique, c'est ça qui rend le problème bien plus contradictoire et difficile pour les femmes. Je ne sais pas ce que vous pensez de la situation des femmes en Chine. Je n'y ai pas été. Mais est-ce que vous estimez que c'est le pays qui est le plus proche d'une certaine égalité entre les deux sexes? Antoinette. Je n'ai pas tout vu, je ne sais pas. Égalité, sûrement. À quelle fin? Certainement, égalité où les femmes puissent un mieux-être, sûrement. Maintenant, est-ce que, effectivement, quelque chose de différent de ce qui est une structure de pouvoir, une structure masculine, est marqué du côté des femmes? Pour le moment, je ne le crois pas. Mais est-ce qu'elles ont évolué sur le plan du type habituel de la femme mère, de la femme gardienne des vertus, des traditions du foyer? Est-ce qu'elles se sont détachées de ce type-là? Est-ce qu'elles forment un nouveau Sûrement. Type d'humanité? Il y a quelque chose d'équivalent à ce qu'on appellerait ici l'unisexe, qui serait là-bas l'unisujet. l'unitravailleur, si vous voulez. Elles ont effectivement... Il y a un procès de virilisation généralisé qui se fait, c'est-à-dire qu'elles deviennent tout à fait identiques. Je veux dire, leur identité, elles la trouvent du côté de l'homme fort, du guerrier valeureux, de l'armée chinoise, ou enfin, elles la trouvent du côté d'un modèle masculin. Et est-ce qu'on a une impression de bonheur, de justice peut-être, mais de bonheur? Parce qu'alors, les valeurs dites féminines, que certains hommes représentent d'ailleurs, mais ils sont brimés, les valeurs dites féminines, donc, sont complètement exclues. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'on partait un peu comme ça, que je partais un peu en guerre contre le féminisme. On rencontre, par exemple, dans certains textes américains, le désir d'une société sans sexe, par exemple. En Chine, on a l'impression un peu comme ça de, je vous dis, l'unisexe, mais toujours du côté... Mais côté homme. Mais oui. Bon, quand en France, je ne sais pas, moi j'ai une petite fille de 12 ans, on m'a donné un imprimé il y a 3 ans à l'école, sur la mixité, elle était dans une école non mixte, et là, l'école est devenue mixte, sa classe est devenue mixte. Et il y avait, pensez-vous, que la classe avec les garçons puisse améliorer le niveau intellectuel des filles? C'est ce qu'on appelle la mixité en France. C'est l'alignement des femmes aux valeurs. Non, mais il n'y avait bien entendu, je n'ai pas besoin de vous dire, qu'il n'y avait pas le retour de la question. Il était hors de question que les filles, que les petites filles apportent une quelconque valeur aux petits garçons du fait de la mixité de la classe. Bon, et quand on lit un livre, comme Du côté des petites filles, par exemple, qui est un livre féministe type, eh bien, on lit, non pas en filigrane, mais de manière tout à fait explicite, que... Il est souhaitable qu'il y ait une indifférenciation, c'est-à-dire que l'égalité arrive à une espèce de sexe pour tous. Où il est évident que si on pose ça au départ, le sexe dominant étant celui des hommes, c'est évidemment les femmes qui vont s'aligner aux valeurs masculines. C'est une évidence, je veux dire, c'est une évidence partout, présentement dans le travail. Bernard Groult. Je ne vois pas du tout les choses comme ça, c'est drôle. Je me dis que cette égalisation, ce sera le droit à sa personnalité. Je crois qu'il y a des petites filles qui sont batailleuses et énergiques et des petits garçons qui sont tendres et doux. On a besoin de toutes ces valeurs, qu'elles se trouvent chez un garçon ou chez une fille. Ce sera simplement le droit pour une fille de s'acheter une moto ou un train électrique si elle en a envie. Et un garçon, pourquoi pas, de coudre ou d'avoir envie de valeurs plus douces et plus sentimentales. Je ne crois pas que c'est s'aligner sur l'homme, je crois que c'est devenir ce qu'on est. Alors que jusqu'ici, on oblige les garçons à devenir... des petits chefs, finalement, et les filles, déjà, c'est on sûr. Leur offre à Noël la panoplie de la ménagère, le petit aspirateur, pour déjà les préparer à leur rôle. Alors qu'on n'offre pas aux garçons des manches de lustrine, un registre de comptabilité. La petite fille est déjà inscrite dans un système qui est beaucoup plus contraignant. Mais finalement, celui du garçon aussi, il est forcé à être victorieux, à manifester de l'agressivité, de la force. Et je trouve que c'est une question d'individu et pas de sexe, tous ses défauts et ses qualités. On doit les laisser s'épanouir chez chacun, suivant les pulsions naturelles. Mais oui, mais ça sera toujours hiérarchisé. Je veux dire, quand on ne parlera jamais d'amélioration pour un petit garçon qui se mettra à devenir doux, tranquille et à bercer des poupées. Pourquoi pas? On a besoin de valeurs de douceur, même mais en politique. Parce que la société se fonde sur des rapports de force. Je veux dire, le politique, c'est ça. Et l'hiérarchie, les valeurs hiérarchisées ne sauteront pas de cette manière-là. Je crois que le temps de la politique de force, en tout cas, est un peu passé. Et qu'aujourd'hui, les Américains l'ont aussi prouvé. Il y a tout de même eu des mouvements puissants de paix, de pacifistes, de faites l'amour pas la guerre, de fleurs, enfin, de gens qui ont refusé... Je crois que ça prend une certaine importance et qu'on s'aperçoit que le monde a besoin d'être féminisé. Je ne crois pas qu'on aille vers une masculinisation parce que le résultat de ce monde est une catastrophe aux yeux de tous. Il y a une angoisse et une insatisfaction en ce moment. Donc les valeurs féminines, on va en avoir besoin, où qu'elles se trouvent. Mais je suis complètement d'accord avec vous qu'on va en avoir besoin, mais je crains fort que la marche de l'histoire se fasse par un effacement systématique, un véritable génocide des femmes, de la différence qui a pu être inscrite au départ, qui fait que je ne souscris pas du tout à ce « on ne naît pas femme, on le devient ». Je crois qu'on est avec des sexes différenciés, c'est pas du tout biologique. Je crois que c'est une réalité tout à fait profonde et que on ne devient jamais femme, et pour cause, on peut devenir féminine, on peut devenir un homme. Peut-être maintenant qu'on peut devenir féministe, mais je crois qu'on risque de ne jamais pouvoir devenir femme. Vraiment. C'est une crainte, Benoît. Ça n'est pas un pronostic, ni une... Et vous ne trouvez pas qu'il y a une évolution? Parce qu'autrefois, la guerre, bon, personne n'aurait songé à parler contre la guerre. C'était l'affaire la plus noble. Aujourd'hui, tout de même, il existe les objecteurs de conscience. Ils ont un statut. Le mouvement pacifiste existe. Je trouve qu'il y a un espèce de revirement vers des valeurs de compréhension, de libéralisme. Je ne dis pas qu'elles vont triompher, mais elles existent aujourd'hui. Alors qu'il y a 2 ou 3 siècles, personne n'aurait songé à dire « c'est mal de faire la guerre ». Ça paraissait l'acte suprême, l'illustration suprême du courage et des qualités. C'est peut-être qu'il y a un changement. Il y a peut-être une autre manière de faire la guerre, moi je crois. Beaucoup plus sournoise, beaucoup plus évoluée, beaucoup plus profonde, beaucoup plus meurtrière, beaucoup plus définitive. Je crois que les génocides, même ceux de ce d'Hitler, peuvent faire rigoler par rapport à ce qu'on pourra imaginer dans quelques temps de destruction systématique des valeurs archaïques qui risqueraient d'introduire une différence là où tout doit se totaliser. Je ne sais pas, je suis beaucoup plus pessimiste que vous. Oui, on dirait. Oui, très. C'est peut-être de l'utopie de croire à ça, mais moi je trouve qu'il y a un certain progrès moral de l'humanité, même si matériellement on est tout à fait dominé par les forces inverses. Mais je crois qu'on va vivre une période extrêmement difficile, parce que toute mutation est un traumatisme, que les femmes ayant évolué, il faudra que les hommes suivent de gré ou de force, et qu'il y aura certainement un nouveau type de rapport à établir entre les hommes et les femmes. J'ai l'impression que le couple, en particulier, va être obligé de... Et commence déjà à être vécu d'une façon très nouvelle. Et il faut un pouvoir d'évolution, une espèce de jeunesse de cœur, pour pouvoir le vivre à la nouvelle façon. Et je crois que certains jeunes en donnent l'exemple, mais avant que ça domine les traditions, la vanité virile, les habitudes des femmes, il y aura certainement 20 ou 30 ans plus difficile que les nôtres, parce que dans ma génération, on est encore né avec les valeurs de nos parents. Je crois que le grand fossé est arrivé entre moi et mes filles, par exemple, après la guerre de 40. Les problèmes sont maintenant. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui a d'autres exigences et qu'on ne pourra pas rentrer dans les rails et reproduire le même schéma de famille et le même type d'humanité. Comment voyez-vous l'avenir de ce point de vue-là, Antoinette? Moi, je voyais surtout le présent, tous ces temps. Il me semblait que le présent était très, très, très en retrait de ce qui avait surgi, de ruptures, de bouleversements, de mouvements, bon, effectivement, depuis mai 68, mais qui se préparaient, qui existaient avant avec des comités pour le soutien au Vietnam ou des choses comme ça, je veux dire, des mouvements politiques forts. Je sais bien qu'il se passe des transformations au niveau comme ça de la vie individuelle, au niveau des couples singuliers, bon, des prises de conscience, mais il me semble qu'il y a, je ne sais pas, une vaste emprise, disons, un grand encerclement de ça, par le pouvoir là où il est, c'est le pouvoir capitaliste, c'est le pouvoir impérialiste, c'est le pouvoir phallocratique, qui se restructure sans cesse et qui se réalimente sans cesse, sans que rien, effectivement, ne puisse bouger, qui restructure et qui pompe et qui exploite et qui s'alimente de ces bouleversements pour en faire quelque chose de libéral. Enfin, Benoît, il est évident que ça n'est pas François Mitterrand qui a été élu aux dernières élections, mais que c'est Giscard d'Estaing et que par rapport à cause des femmes, à cause du vote des femmes. C'est pas à cause des femmes, c'était à cause d'une non-politisation, d'une sorte d'inertie, d'apathie, de privation effectivement de pouvoir politique, de possibilité d'agir. Bon, et que les femmes sont trouvées comme du bétail amenées à symboliser parce qu'effectivement elles ont été privées de. Oui, mais c'est ça qui est en train de changer. Je crois que le pouvoir est obligé de s'adapter au changement profond de chacun, parce que l'Église, bon, qui a imposé une misogynie certaine aux femmes, quand on pense qu'aujourd'hui encore, les femmes dans la religion catholique ne peuvent pas exercer un sacerdoce, eh bien, elle a été obligée d'évoluer, de se plier à... Mais croyez-vous que si les femmes... Alors là, nous y sommes. Croyez-vous que si les femmes exerçaient un sacerdoce, ça changerait quelque chose de la structure du sacerdoce et du pouvoir et de la religion dans son caractère le plus répressif? Je crois pas que ça changerait quelque chose à la religion, ça change quelque chose à la justice. On sait qu'on est avec des chances égales et que si on a envie d'être prêtre, on peut l'être. Enfin, que rien ne vous est interdit à cause de votre sexe. Mais je crois c'est pas déjà quelque chose d'important. Je dis pas que c'est le bonheur. C'est la justice, c'est déjà quelque chose. Non, alors moi là, je crois profondément que les luttes de femmes, alors pour le coup, s'articulent aux luttes de classe et aux luttes anti-impérialistes, qu'elles sont complètement partie prenante. Et je veux dire que dire qu'une femme naît avec des chances égales à un homme d'être patron, je crois pas que ce soit une chance. Parce qu'à ce moment-là, la lutte des classes intervient pour dire, oh là, mais alors, qui naît avec la chance d'être patron? Je veux dire, si c'est une femme bas blanche, bourgeoise, occidentale, qui a la chance d'être prêtre, je veux dire, elle a, deux pouvoirs. Contre une faiblesse, elle est femme, sans doute, mais elle est blanche, elle est occidentale. Et alors, à ce moment-là, elle peut être patron, je veux dire, elle a deux pouvoirs contre un non-pouvoir, un impouvoir, et à ce moment-là, elle est du côté du pouvoir. Je veux dire, la chance d'être prêtre, c'est une... Je veux dire, c'est une catastrophe. Une chance. Non. Je ne dis pas la chance d'être prêtre. Mais écoutez, pourtant, le magazine américain féministe Miss a programmé ces derniers mois, justement, sur sa couverture, une femme bénissant en tenue de prêtre et bénissant. Et ça, c'était effectivement l'accès des femmes au rôle de pouvoir. Et je vous dis, c'est ce que je crains. Bon, finalement, pour moi, le problème, c'est peut-on être une femme en lutte et être radicalement antiféministe ? Je crois que ça doit être théoriquement possible, puisque c'est ma position, exactement comme on doit pouvoir être juif et être radicalement antisioniste. Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est clair ? Hein ? Il y avait la terre promise pour les juifs. Et puis, bon, on leur a donné l'État d'Israël. C'est un bel État capitaliste, avec des moyens, des kibboutz, des méthodes de travail collectif et tout ce qu'on veut. Eh bien, je suis une femme en lutte et je suis radicalement antiféministe. Et je crois qu'il y a des juifs qui doivent être radicalement antisionistes et qui se savent juifs, non pas pour réintroduire une notion de classe ou d'ethnie ou de race, mais pour essayer de continuer à travailler quelque chose qui est de l'ordre de la différence, qui a toujours été vécu historiquement comme une inégalité et un lieu de répression. Et bien, je crois qu'être femme, ça n'a jamais existé, ça a été le lieu vraiment censuré, le lieu de la répression radicale. Mais je crois que sous cette répression, sous cette censure, il y a une différence à laquelle je tiens, plus qu'à ma vie, je crois, et comme à ma vie, je veux dire, c'est une question de vie ou de mort, et qui ne me fera jamais entrer dans aucune détermination idéologique, dans aucune terre promise à frontière, quelle qu'elle soit, parce que ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas comment dire. Et c'est ça le danger pour moi des luttes de femmes. Je crois que vraiment, toute femme qui se met en lutte part avec ce désir profond que quelque chose de différent qui n'a jamais eu lieu, qui a toujours été censuré, qui n'a pas eu droit de citer, de parole, d'inscription historique, apparaisse, et que les forces en présence de pouvoir qui ont toujours mené cette censure s'organisent très très vite pour canaliser, pour faire en sorte que ça refonctionne, que ça réapporte de l'eau au même moulin des structures qui doivent continuer à fonctionner. Mais alors là, c'est vous que je trouve optimiste. Vous avez l'air de penser que dans la structure profonde des femmes, il y a au fond plus de qualité, que nous ne retomberions pas dans les mêmes ornières du pouvoir. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas les mêmes. Nous avons d'autres défauts, d'autres qualités. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui n'a pas été dit. Qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas existé, qui n'est pas venu au monde, qui n'est pas venu à l'histoire. Et c'est pour ça, je crois, que je me bats. Alors, finalement, vous êtes optimiste, vous imaginez qu'il y a des valeurs chez les femmes qui vont se découvrir et qui vont faire un monde meilleur. Mais je suis absolument sûre, un monde différent, une histoire différente, peut-être la préhistoire, en l'écrivant comme vous voulez, comme avant ou comme après. Alors que moi, je vois les femmes beaucoup plus semblables aux hommes, finalement, et tombant dans les mêmes ornières et courant les mêmes risques. Mais on tombe dans les mêmes ornières par l'effet du discours, par l'effet qu'il n'y a qu'un langage, si vous voulez, qu'il y a deux corps sexués différemment, mais qu'ils sont tous les deux la proie d'un même langage qui est là. Bon. Il y a une société avec différents types, mais une société masculine universelle, ça c'est sûr. Et il y a un discours qui est le fait du rapport, justement, d'exploitation que la masculinité, que le pouvoir a mis en place le corps, la chair, le vivant, mettons. L'abstraction, l'idée contre la matière, le corps, le vivant. Et je pense qu'il y a là une lutte à cette racine-là, précisément, à mener, pour faire éclater cette structure uniforme de discours, de paroles, de langage, qui aliène le corps, qui l'exploite, qui s'en alimente, et pour qu'effectivement, des corps vivants, sexués différemment, je ne sais pas, avec des forces de travail différentes, puissent vraiment faire voler un éclat tout ce qu'on peut se représenter aujourd'hui au monde, de la Chine aux États-Unis, en faisant le tour et en revenant, en repassant par l'Afrique et autres. Oui, mais ça, que les choses volent en éclats, beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes le souhaitent aussi. Je veux dire, ce n'est pas un désir uniquement féminin, c'est un désir humain. Sûrement, d'ailleurs, je crois que c'est un désir, je dirais presque physique, charnel, là où il y a du vivant. Et c'est là, justement, qu'il y a quelque chose de la différence des sexes qui renvoie à un type d'exploitation encore plus profonde. C'est celle que j'ai dite. C'est sûr qu'il y a une exploitation des prolétaires par les capitalistes, des gens de couleur par les blancs, des femmes par les hommes, et je crois qu'il y a une exploitation symbolique qui est encore plus importante, qui concerne hommes et femmes, c'est l'exploitation du corps vivant, du corps comme matière, par le discours, par la parole, par les idées, par l'abstraction. Par l'abstraction qui réduit tout désir et qui l'enferme. Et là, ça concerne les hommes autant que les femmes, je crois. Et on passe à une autre étape, que le féminisme. Je sais pas, moi, je pense que si par un hasard biologique ou historique, c'était les femmes qui avaient eu le pouvoir au début de l'histoire et du monde, j'ai l'impression que nous aurions fait un monde pas très différent de celui qui existe actuellement et qu'il faudrait libérer les hommes exactement comme nous cherchons aujourd'hui à libérer les femmes. Je n'arrive pas à penser qu'il y ait une différence fondamentale et de nature entre les deux. Je crois que les uns sont épanouis, enfin en tout cas ont toutes les portes ouvertes devant eux et que les autres ont été maintenus dans un rôle qui les restreint, qui les diminue et qui les maintient dans une position dont ils voudraient souvent sortir. Et C'est ça qu'il faut faire sauter, mais je ne crois pas que ce soit pour un monde tout à coup idéal et juste et où les structures d'oppression disparaissent, je ne crois pas. Ah, moi, je ne crois pas un monde idéal et juste. Je ne crois pas qu'idéalement, dans le passé ou dans le futur, les hommes étaient pareils que les femmes, ou les femmes pareilles que les hommes, ou différents. Simplement, il se passe qu'il y a eu une exploitation couplée, comme nous ne parlons finalement toujours qu'en couple, avec un plus et un moins, un homme, une femme, je ne sais pas, un actif, un passif. Bon, il y a certainement une série de réalité, du réel, si vous voulez, qui n'est pas venu au monde, qui n'a pas trouvé son langage, qui restait du côté de ce qu'étaient les femmes, par exemple, de ce qu'était le corps, parce qu'il y avait cette assignation à la reproduction, entre autres. Bon, et ce n'est pas du tout idéal, mais je crois que c'est là que se mène la lutte, et que c'est là qu'il y a un élément de transformation de la réalité telle qu'on la vit aujourd'hui. Mais alors, comment faites-vous dans le MLF ? Vous êtes tout de même dans un mouvement dit féministe ? Mais non, je crois que la première fois qu'il y a eu dans une assemblée générale du MLF un texte qui disait pour un mouvement féministe révolutionnaire, il y a une grande partie des femmes qui étaient là, qui se sont insurgées contre cette espèce de totalitarisme, de monopolisation. Il y a en ce moment en mouvement, je ne sais pas si c'est le MLF ou pas le MLF, c'est pas nous qui nous sommes donné cette détermination. Les gens ont dit tout d'un coup le mouvement de libération des femmes et on s'est aperçu que c'était nous. Nous qui nous réunissions aux Beaux-Arts sans savoir qui on était, ce qu'on faisait. Bon, on parlait. On parlait, puis on programmait des explosions terribles, des grenades partout, enfin, on voulait tout casser quand même, heureusement. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des groupes de femmes absolument partout. Il y en a qui s'appellent femmes en lutte, femmes travailleuses en lutte, qui se définissent peut-être comme trotskistes, comme ceci, comme cela, il y a beaucoup d'ismes encore, mais il y en a beaucoup qui sont hors de tous ces ismes et qui refuseraient vraiment une étiquette. Et c'est là, c'est vraiment l'opinion publique, la facilité et des médias, entre autres, de amalgamer tout ça sous le nom de féminisme globalement. De même que souvent, on veut qu'une femme qui parle et qui dit qu'elle est en mouvement ou qu'elle est en lutte soit une représentante du MLF. C'est une aberration. Il ne peut pas y avoir deux représentations là où il n'y a justement pas de parti, pas d'organisation. Justement, c'est contre la représentation que nous luttons. C'est contre la délégation de pouvoir. Bon, il y a une femme qui a une aptitude à parler. C'est celle qu'on sollicitera de parler à un moment et dans le moment. Il y a une femme qui a une aptitude à écrire. Elle écrira. Il y a une femme qui a une aptitude à faire des livres. Il y en a une qui a une aptitude à s'occuper des enfants dans une crèche. Toutes ces choses ne doivent pas, ne sont pas hiérarchisées pour nous. Malheureusement, dès qu'on retombe effectivement dans une structure très très très hiérarchisée et de pouvoir très en place, on ira effectivement considérer comme un pouvoir de parler. C'est vrai que c'est un pouvoir et c'est à celle-là qu'on fera appel pour par exemple tenir un dialogue à la radio. Mais il faut dire aussi, je n'ai jamais été dans une émission comme celle d'aujourd'hui, où on est autant de liberté de dire ce qu'on a à dire. Parce que les émissions à la radio et à la télévision sont un moulinex de la femme, c'est-à-dire qu'on on est passé aux presses purées. C'est très subtil, c'est très sournois, mais de fait, on n'arrive à rien dire de ce qu'on a à dire. Je vous rappelle donc que sur le thème féminisme ou lutte de femmes, ce dialogue réunit Bedwat Groult et une femme du mouvement de libération des femmes. Nous allons maintenant élargir le dialogue et demander à Bedwat Groult et à Antoinette de dialoguer avec le public nombreux, non seulement féminin, aussi masculin, réuni à cette occasion au Centre culturel Gérard Philippe, Maison pour tous de Clay-sous-Bois. Madame. Moi, je pense une chose, c'est que les femmes ont d'abord eu toujours beaucoup de mal de passer de l'individuel au collectif. Et que leur première prise de conscience, quand elles commencent, c'est par elles, son couple, ses enfants, sa famille, et que petit à petit, elles arrivent au social et à la politique, en fin de compte. Mais c'est assez long. C'est un cheminement qui est long. C'est pas d'emblée, je pense. Et c'est ça, je crois, votre livre m'y a beaucoup aidé, mais c'est là, je crois, que on commence maintenant à se soucier non seulement de soi, mais des autres. Benoît Groult. Personnellement, je crois que c'est profondément vrai, parce que c'est ce que j'ai ressenti aussi dans ma vie, au fond, en prenant conscience tellement tard de problèmes qui auraient dû me sauter aux yeux il y a beaucoup plus longtemps. Il y a une difficulté de se mettre à écrire, de se mettre à parler, d'oser finalement, parce que c'est ça pour les femmes beaucoup. Elles n'ont pas été habituées à être ensemble. Il n'y a pas eu même rien qui ressemble au service militaire, au dîner d'anciens combattants, aux belotes, au café. Heureusement. Je ne dis pas que ce soit bien, mais c'est des occasions nous de rencontre avons et commun, de camaraderie. Or, les femmes croyaient, les femmes ont cru qu'elles étaient toutes seules, qu'elles ne connaissaient pas l'amitié. On leur a laissé croire longtemps qu'elles se méfiaient, qu'elles étaient des rivales les unes des autres, qu'elles étaient leurs pires ennemies. Et je crois qu'une des découvertes de ces dernières années, c'est que les femmes sont très bien ensemble et qu'elles découvrent qu'elles ont souvent les mêmes problèmes. Je crois que les femmes se ressemblent plus que les hommes à travers le monde, finalement, ne serait-ce que par le phénomène d'avoir des enfants et d'avoir des problèmes communs qui sont très graves et très importants pour leur corps, pour leur esprit. Donc il y a une solidarité qui devrait être beaucoup plus grande entre les femmes qu'entre les hommes. Bien, je crois qu'un homme veut parler. Oh. Simplement pour dire que vous disiez que les hommes avaient des styles de réunion. Au café ou autre, mais enfin, les dames aussi ont des styles de réunion. Ça peut être la tasse de thé, ça peut être autre chose, mais enfin, vous avez d'autres styles de réunion. Mais vous avez remarqué que vous avez des réunions dehors et que nous avons souvent des réunions dedans. Est-ce que... C'est une question de lieu, mais c'est... Mais est-ce que ça ne correspond pas justement aux différences de nature? Ah, de nature, sûrement. Nous sommes des êtres d'intérieur. Et d'ailleurs, il y a encore des civilisations où on boucle sa femme à la maison avant de partir, comme ça on est sûr qu'elle restera une femme intérieure. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on disait hier soir en riant, on faisait une réunion entre nous sur le féminisme, et on s'est aperçu que quand on est une femme en mouvement, vous savez ce qu'on fait parfois? On laisse la femme, on est double bien sûr, vous savez, on est bisexué, c'est peu dire. Et bien moi, je me suis aperçu parfois que je me laissais femme chez moi, et que je mettais mon petit manteau et que je sortais dans la rue comme ça, et qu'il y avait la femme que je suis, qui s'appelle Antoinette, qui reste à la maison. Ou bien par exemple, parfois, je me conduis comme un homme chez moi, je mets tout en bordel, en panique, je mets du désordre. Et puis après, la femme que je suis, le soir, doit ranger, et je m'exploite. Ça, on le sait. Ça vous est arrivé, Benoît? Oui, oui, bien sûr. Oui, mademoiselle. Je voulais vous parler un peu des relations dans le travail, parce qu'on constate quand même dans le travail que les femmes, entre elles, se débinent beaucoup. Et cette idée de fraternité que j'ai vue dans le livre de Benoît de Groult, je voudrais qu'elle passe aussi à travers le travail. Moi, j'ai de bonnes relations avec hommes ou femmes, mais on essaye toujours de se faire un petit peu valoir quand on est une femme et qu'on est au milieu d'hommes qui travaillent. Et quelquefois, ça passe au détriment des autres femmes qui sont avec soi, parce qu'on essaye de se mettre comme un homme. Ou alors on essaye de plaire aux hommes qui s'entourent. On sent tout de suite si ça passe, si le travail se fait mieux, et si l'homme est réceptif ou non. Et je crois que les femmes entre elles se gênent quelquefois. Et ça, je voudrais qu'elles luttent contre ça. Mais ça, je crois que c'est une étape. C'est le passage de l'oppression à l'indépendance. Et il y a toujours un moment difficile. Les femmes sont en minorité. Il faut qu'elles se justifient. Il faut qu'elles prouvent qu'elles travaillent aussi bien. Il faut qu'elles travaillent mieux pour travailler aussi bien, en somme. Donc il y a une sorte de rivalité. Il y a un certain malaise. Je ne crois pas que nous sommes encore tout à fait à l'aise dans le monde des hommes. Quand il y a 8 femmes députées sur 450, elles ne peuvent pas parler comme des femmes. Elles sont des otages et... elles sont dans une situation gênante. Je crois que tant qu'on ne sera pas représenté à égalité un peu partout, dans le monde du travail, de la politique, etc., il y aura un comportement qui ne sera... Moi, je crois que ce à quoi vous faisiez allusion, c'était la sexualisation du travail, c'est-à-dire que, vraiment, le plus grand crime qui a été fait contre les femmes, je crois, c'est de les avoir utilisées entre elles à se détruire, de les avoir mises en situation de rivalité. Et c'est vrai que tout étant sexualisé, y compris le travail, il y a des rapports là de rivalité entre femmes pour plaire au patron qui de toute manière introduit toujours quelque chose de sexuel, mais partout. Je veux dire, un homme va acheter des cigarettes, ça n'est pas vraiment sexualisé, ou alors c'est comme ça un trajet pédérastique très, très sous-jacent entre l'homme qui vend les cigarettes et celui qui les achète. Mais une femme va acheter des cigarettes, elle est dans une situation sexualisée si c'est un homme qui les lui vend. Elle va apporter sa voiture à réparer, il est sûr qu'elle peut avoir droit à des colibés si la voiture est trop grosse, si elle est trop petite, s'il y a une bosse, c'est qu'elle l'a faite. Parce que bon, Benoît en dit long là-dessus dans son livre sur comment on conduit, comment on conduit pas. Bon, et ces relations, je crois que c'est un des points de lutte fondamentaux qu'on s'était donné au MLF, de mettre fin absolument avec le plus de conscience possible, le mieux qu'on pouvait, à cette rivalité, à cette utilisation des femmes contre les femmes par les hommes à tout moment. Et c'est une des choses, en effet, aussi que je crains, moi, du féminisme. C'est-à-dire qu'il y ait une promotion comme ça, des femmes qui soient possibles, et au détriment de ce qui continuera à être exploité, c'est-à-dire d'autres femmes, par exemple. Bon, les femmes cadres contre les femmes ouvrières, les femmes bourgeoises contre les femmes de ménage, les femmes françaises contre les femmes espagnoles qui sont femmes de ménage, je veux dire, ça recoupe tous les trajets de classe et de race qu'on voit se réinscrire. Et les Américaines, je sais, luttent terriblement, entre autres, contre ça, contre la réinscription des processus de classe et de race, et de, comment dire, de classe sexuelle, de classe érotique, même, entre elles et dans le travail. Alors, une autre intervention. Oui, enfin, ce que je trouve gênant, c'est que vous mettez toutes les femmes dans le même panier, et de l'autre côté, il y a les hommes, et quand je vous entends dire, il y a les femmes, et puis il y a de l'autre côté, des êtres épanouis à qui toutes les portes sont ouvertes, je me sens beaucoup plus près des hommes et des travailleurs en lutte, et des, enfin, il faudrait que vous posiez la question, par exemple, aux ouvriers du Parisien libéré, que de Madame Simone Veil. Alors, c'est quand même, pour nous, enfin, femmes travailleuses, la différence, elle n'existe pas tant au niveau des hommes et au niveau du sexe qu'au niveau des classes sociales. Moi, je crois que les deux existent. Il y a une lutte de classe, mais il y a aussi une lutte spécifique des femmes et qui ne se recoupe pas toujours avec la lutte des classes. J'ai peut-être, mes parents ont dépassé ma pensée en disant que toutes les portes leur sont ouvertes. Je veux dire qu'au départ, un petit garçon, on le pousse vers l'imagination, vers le rêve, vers l'épanouissement de ses facultés s'il en a. Alors qu'une petite fille, au contraire, on la pousse vers l'intérieur, vers le manque d'ambition, vers l'obéissance et la douceur, puisque c'est comme ça qu'il faudra qu'elle soit. C'est en ça que je trouve qu'à elle, on ferme des portes et qu'au garçon, on en ouvre. Ils ne les prennent pas tous. Et que les difficultés sociales ne jouent pas, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mais ça n'empêche pas une lutte particulière des femmes. Parce qu'alors, une femme avec des difficultés sociales, elle est doublement opprimée. Oui, mais il faut voir quelle est la proportion de jeunes qui vont se retrouver à l'université. S'ils sont fils d'ouvriers, à ce moment-là, c'est plus seulement une question de sexe, c'est vraiment une question d'origine sociale et d'inégalité sociale. Et avec, en plus, cette inégalité qui existe, mais je crois que celle-là, dans l'immédiat, j'ai peur qu'elle ne serve de prétexte et qu'après tout, les gens qui nous entendent discuter par rapport aux hommes ne soient nos gouvernants ravis de cette position que nous avons, et j'en veux, moi, la presse féminine, pour qui, en fait, l'être à battre, c'est l'homme, et ce n'est pas le pouvoir actuel. C'est trop facile de faire que les femmes, on leur donne comme solution à tous leurs problèmes, à toutes leurs difficultés profondément économiques, à toutes leurs difficultés dans l'éducation de leurs enfants, dans l'évolution de la famille. Toutes les difficultés tiendraient à leur condition de femme et pourraient être résolues si les hommes changeaient leur mentalité. Eh bien, c'est un leurre, c'est un bluff. C'est pas parce que les hommes vont changer leur mentalité que les conditions des femmes qui travaillent et des couches sociales moyennes vont changer. Ça ne suffira pas. Oui, mais c'est un leurre aussi de penser que de changer de système politique suffira. Parce que ça aussi, ça ne changera pas forcément le statut de la femme. C'est pour ça qu'il faut les deux, que ce sont deux luttes. Parce qu'on voit certains régimes qui ont totalement changé et où les femmes continuent en rentrant de leur travail à s'occuper des enfants, à faire la cuisine, à faire le ménage. Rien n'a changé pour les femmes, bien qu'il y ait une révolution totale dans les structures capitalistes. Alors on s'aperçoit qu'il y a deux luttes à mener et qu'elles... C'est très dur, mais il faut avoir les deux, je crois. Il faut Oui, c'est sur la même ligne. J'avais relevé justement une petite note dans votre livre où vous disiez « Soraya est plus près d'Arlette Laguiller que Giscard n'est le père d'un OS ». En fait, ce sont des individus tout à fait différents dont les intérêts sont diamétralement opposés. Le système de société conçu par Soraya et Giscard et ses disciples profite bien sûr toujours à la même catégorie d'individus. Oui, on m'a beaucoup parlé de cette phrase de Soraya et d'Arlette Laguiller. Bien sûr, a priori, on a un certain recul, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je crois que les femmes, à cause du tabou qu'il y a eu sur leur corps, finalement, sont plus proches les unes des autres. Je crois que Soraya a été répudiée à cause de son corps, à cause de son ventre. Elle a eu des problèmes de femme. Et que, par exemple, les mutilations sexuelles qui se pratiquent encore dans certains pays d'Orient nous humilient, nous, en tant que femmes, que nous pouvons nous sentir proches, parce que nous avons subi le même refus des phénomènes féminins, le refus des valeurs féminines, la claustration, ou une morale qui, finalement, nous obligeait à ce qu'on a appelé au XIXe siècle le devoir conjugal, un refus du plaisir féminin, et qui a été général dans le monde entier. Alors, je trouve qu'à ce point de vue-là, les femmes doivent se sentir proches les unes des autres, alors que... Le chef d'un pays noir et un directeur capitaliste en Europe n'ont rien de commun. Je crois qu'une femme mutilée en Afrique, nous pouvons ressentir mieux l'humiliation et l'oppression qu'elle subit, sans parler du point de vue politique. Je parle du point de vue sexuel et physique. Antoinette. Oui, moi je voudrais dire quelque chose à ce propos, parce qu'on nous a souvent posé ce problème de l'articulation de la lutte des femmes spécifique à la lutte des classes, et il faut ajouter aux luttes anti-impérialistes, puisque historiquement les choses apparaissent comme ça, la lutte des classes, bon, au XIXe siècle, et puis les luttes anti-impérialistes, et puis une lutte apparaît, et pas n'importe quand, et en rupture avec le féminisme existant antérieur, le mot féministe a été repris, mais là il y a une rupture, une lutte, disons, sexuée. Je ne dis pas une lutte des sexes, ça n'est pas ça. Bon, une lutte contre un sexe qui a le pouvoir. qui se symbolise par le phallus qui n'a pas forcément à voir avec avoir ou n'avoir pas un pénis. Je veux dire être une femme ou être un homme. Avoir le phallus, c'est avoir une fonction de pouvoir. Il y a des femmes qui peuvent l'avoir. Hein. Une femme qui est ministre, c'est quelqu'un qui entre dans cet ordre symbolique du pouvoir et du pouvoir phallique. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de pénis qu'elle n'est pas du côté du pouvoir. Donc il y a des distinctions à établir. Et je pense que c'est une chance pour les luttes de classe et pour les luttes anti-impérialistes. C'est un moment de maturité de plus qu'il y ait cette nouvelle lutte qui se découvre, la lutte contre cette structure symbolique de pouvoir. Que poser la question à rebours ? Par exemple, vous n'avez rien à voir avec les luttes de classe, vous n'avez rien à voir avec les luttes anti-impérialistes, ça n'est pas matérialiste. Le matérialisme historique dit qu'à un moment de l'histoire, cette lutte-là apparaît. Cette lutte-là apparaît, elle peut être complètement dévoyée, détournée et servir le pouvoir si on n'est pas vigilant. Et si on ne garde pas cette articulation de manière très précise à ces trois niveaux de lutte, hein, ou bien si on essaie de comprendre ce que la spécificité de la lutte des femmes a d'articulatoire et de profond avec la lutte du prolétariat et avec la lutte anti-impérialiste, à ce moment-là, on est un courant de plus, je veux dire, on grossit le courant des luttes. Et les femmes sont vraiment la moitié du ciel, bon, comme le dit Mao en Chine. Eh bien, moi, je pense, par exemple, que à propos de cette histoire de corps que j'ai vaguement évoquée tout à l'heure et qui paraît abstraite tellement c'est concret, tellement c'est censuré, et ça ne peut pas se dire. Je crois que ce qu'il y a dans le prolétariat, c'est vraiment l'exploitation de la force de travail, et la force de travail passe quelque part par le corps. Les luttes anti-impérialistes sont des luttes qui continuent à se mener contre ce qui est encore l'esclavage. Je veux dire, quand on a affaire à l'immigration pour le travail, il y a non seulement la force de travail des ouvriers prolétaires qui est pompée, qui est exploitée, mais il y a le fait que ce sont des gens qui sont, en quelque sorte, qui subissent une traite, qui viennent du Portugal ou qui viennent de... Bon, les corps des ouvriers continuent à circuler dans le système capitaliste comme des corps d'esclaves. Et je crois que ce que, justement, les prolétaires, les gens de races différentes, de races blanches, et les femmes ont en commun, c'est que leurs corps sont traités comme des marchandises par tout ce qui tient le pouvoir. Si on arrive non seulement à se poser de manière abstraite, mais quelle est l'articulation, mais que les ouvriers, les gens de couleur et les femmes se parlent, on va découvrir le point de lutte vraiment commun et fondamental. Oui, mais à ce moment-là, quand il s'agit d'ouvriers, il n'est plus question de sexe. Mais si, il y a des niveaux de contradiction, il ne faut pas censurer. Je veux dire, on ne peut pas penser en termes d'exclusion. C'est vraiment très idéaliste et très après, on retombe dans l'humanisme. On a posé ces problèmes-là et on s'aperçoit que, bon, le plus dépourvu des sous-développés, des hommes qui n'ont rien, a encore sa femme sur qui taper. C'est une réalité. C'est pas la peine de le censurer sous prétexte qu'on mène une lutte de classe. Autrement, on ne l'amène pas à la lutte de classe. C'est pas la peine de nier que certains ouvriers, des bourgeois aussi, mais certains ouvriers battent leurs femmes dans les bidonvilles. Pourquoi est-ce qu'on le censurerait? Comment voulez-vous qu'on l'amène, la lutte, vraiment, honnêtement, profondément, si on masque ça? Enfin, il y a un livre qui vient de sortir, bon, je ne veux pas faire la publicité, mais on peut le dire, Benoît a fait la préface, qui s'appelle « Crie moins fort, les voisins vont t'entendre ». Je dis bien que ça n'est pas dans les classes populaires que les hommes battent le plus leurs femmes, c'est pas vrai. Ça serait encore un effet de racisme ou de, bon, à rebours, petit bourgeois. Mais dans les classes populaires aussi, les ouvriers battent leurs femmes. Ils sont exploités, ils sont surexploités, ils sont peut-être arabes, ils sont peut-être noirs, ils sont peut-être immigrés, ils sont peut-être français. Ils battent leur femme qui est à la maison, qui souvent, bon, n'a même pas la langue, quand c'est une femme portugaise, elle n'a même pas la langue du pays où elle a été exportée, où elle a été esclavagisée. Et c'est vrai que ça existe. On ne peut pas la censurer. Autrement, on fera capoter tout. Je crois que c'est ça que le mouvement des femmes a dit. Essaie de dire. Et puis qu'il y ait toute une partie qui soit réformiste, légaliste, et qui aille demander à Françoise Giroud des améliorations de je ne sais pas quoi, qu'elle va aussitôt demander à Poniatowski. Là, on envoie le trajet tout court. La Ligue des droits des femmes, présidée par Simone de Beauvoir, demande quelque chose à Françoise Giroud qui va le demander à Poniatowski. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec la lutte des classes. On le sait. Tous les gens qui sont dans une lutte le savent. Les prostituées aussi sont adressées à Françoise Giroud qui les a renvoyées au ministère de l'Intérieur comme si c'était un problème masculin. Oui. Ça m'a profondément choquée. C'est un problème de condition féminine, autant que d'hommes, je veux dire. Mais il est probable qu'elles-mêmes, pour le moment, n'ont pas le niveau de conscience politique tel qu'elles le posent comme ça, puisqu'elles demandent une libéralisation des femmes, c'est clair. Hein. Elles disent prostituées, oui, putain, non. Et elles demandent la libéralisation de la prostitution. Donc, je veux dire, les prostituées ont fait un mouvement. Il y en a quelques-unes, c'est pas la peine de dire leur nom parce que ça les mettrait en danger, qui savent qu'elles veulent se battre pour la fin de la prostitution, la fin du traitement de leur corps comme marchandise, comme chair à ce que vous voulez, à canon, à plaisir, à travail, à tout ce que vous voulez. Bon, il y en a qui se battent pour ça, et puis il y en a d'autres qui sont là à demander, je vous dis purement et simplement, une libéralisation, c'est-à-dire se vendre librement, la vente libre, c'est tout. Mais le petit commerce. Pas sur le micro, s'il vous plaît. Voilà, moi, il y a une chose qui m'effraie, c'est quand Benoît parle des femmes ministres et, bon, des femmes députées, parce que j'ai l'impression que la conscience de la femme vient par un sentiment de ras-le-bol. Hein, et que ça, c'est vraiment l'amélioration, le réformisme, et à chaque fois, on met la femme de côté. Hein, bon, ben, elle aura sa place de députée, tout ça, et on enlève la racine. Mais je ne veux pas dire que la place de députée soit le but, c'est le moyen, c'est parce que quand il y aura des femmes députées, je crois qu'elles pourront modifier la société. La société est au masculin actuellement. Ah non, c'est pas une femme députée qui changera quelque chose. Ah oui, c'est 250 sur 500. Il est certain que les lois sur l'avortement auraient été votées 10 ans plus tôt s'il y avait eu 250 femmes à l'Assemblée sur 500. Mais c'est pas les femmes députées qui ont demandé la loi sur l'avortement. Non, parce qu'il y en avait 8. Parce que 8 femmes n'osent pas demander quelque chose. Si elles étaient 250, elles l'auraient exigé parce qu'elles savent ce que c'est dans leur chair, chez leurs amis, leurs mères, leurs filles. Elles connaissent le problème. Mais alors non, parce que là, j'ai vraiment l'impression que ce sont les femmes dans le pouvoir des hommes. Quand les femmes seront conscientes de leur existence au point de vue politique, quand elles seront éduquées de la même manière que les hommes, quand ça partira de l'instruction, quand on orientera les filles vers les mêmes carrières, vers les mêmes professions que les hommes, quand il n'y aura pas cette discrimination qui existe déjà à la base dans la famille, alors ça changera. Et je vous demanderai si vous connaissez un pays où ça se passe autrement. Moi, je suis belge, je suis Jeannine Moulin. Vous connaissez beaucoup de pays qui sont autres que la France ou la Belgique, où il n'y a pas un pouvoir qui domine. Avez-vous un exemple à nous donner ? Mais justement, non, puisque je vous ai dit que même en Chine, l'État régnait et que les femmes étaient alignées et alimentaient ce pouvoir. Et dans les pays de l'Est également. Donc, absolument, nous sommes d'accord là-dessus. Pays libre, prolétaire et démocratique. Absolument. Donc, bon, alors on s'entend. Bon, donc on conduise la machine, qu'on conduise le train de Shanghai, qu'on soit député, qu'on soit soudeur sur les chantiers de Dunkerque, ça ne change rien à ce que ces fonctions sont des fonctions de pouvoir, et si on y entre, elles nous goberont. C'est ce que je vous dis, elles vont nous gober. Oui, mais comment imaginez-vous une structure ou un pays où il n'y ait pas des fonctions de pouvoir? Un pays sans État. L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, on fait sauter la propriété privée, on fait sauter la famille, on va bien finir pour faire sauter l'État. On n'est pas trotskistes quand même. Non, mais moi je crois que c'est plus simple dans le fond. Il faut d'abord qu'on éduque nous, mères, nos garçons. Moi, je sais qu'écoutez, je vais vous faire rire peut-être, mais vous allez voir. Quand j'ai eu fini de lire votre livre, j'ai pris mes deux gamins qui ont 9 et 11 ans. J'aurais dit, mes enfants, vous savez ce que ça veut dire quand vous dites con? Bon, vous ne savez pas. Je vous défends de dire ça maintenant. Et moi, ça m'arrivait, hein, évidemment, bon, bien sûr. Eh bien, je ne veux plus le dire. Non, mais c'est idiot, c'est une petite chose, je suis absolument d'accord. Mais enfin, finalement, pourquoi on ne dirait pas phallus ou pénis, au lieu de dire con, pourquoi pas? Mais c'est une petite chose. Et puis, je vous assure, je crois maintenant, mes enfants, en général, quand il a une émission de la télévision, j'essaye de les politiser presque, si vous voulez. Je pense que c'est nous qui devons élever nos gamins pour qu'ils réfléchissent d'une façon différente. À faire la vaisselle, par exemple, dans une petite chose, mais dans des grandes choses, raisonner différemment. Vous voulez lever le doigt, s'il vous plaît? Je voulais dire simplement, ça serait trop simple, parce qu'il y a quand même l'école, il y a l'environnement, et un enfant, ce qu'il craint le plus, c'est de différent des autres. Alors, il va faire la vaisselle chez lui peut-être, et puis il va voir tous les copains qu'ils ne font pas, il va se sentir très différent, et je me demande... Le problème de l'avenir, enfin, de notre peuple avec sa moitié homme, sa moitié femme, puisse être résolu simplement parce que les garçons vont faire la vaisselle. Il me semble qu'il y a d'autres problèmes bien plus fondamentaux, bien plus importants pour faire évoluer pas seulement la femme, mais le couple, la famille, la vie de chaque citoyen ou citoyenne, quel que soit, que limiter ça à un problème de vaisselle à l'intérieur. Parce qu'il y a 1000 problèmes à résoudre à l'extérieur. Les problèmes de transport, les problèmes de temps de travail. Hier, quelqu'un disait, au lieu que l'homme travaille 8 heures par jour, il faudrait que la femme travaille 4 heures et l'homme 4 heures. Mais n'empêche que la réalité quotidienne, c'est qu'il y a 10 millions de femmes qui chaque jour vont au travail et elles n'ont pas le choix de savoir si elles vont faire 4 heures. Et si leur mari va en faire 4, elles ont l'obligation absolue d'aller, elles, au travail pendant 8 ou 10 heures, ainsi que leur mari. Ce n'est plus un choix, là. Donc, à mon avis, ce serait trop simple si ça suffisait de le résoudre à l'intérieur du couple et s'il n'y avait pas tout cet environnement qui fait que la femme, elle est agressée dans son corps, dans sa vie de femme, pas seulement par le fait qu'elle a un mari, mais aussi parce qu'elle subit tout un environnement. Elle a le problème, le souci de cette famille, le souci de l'éducation de ses enfants, le souci de leur avenir, le souci après tout de la vie professionnelle de son mari, de sa vie professionnelle à elle. Et que si tous ces problèmes-là étaient résolus, peut-être qu'elle serait à ce moment-là une citoyenne, disons, à part entière, avec le temps non seulement de son travail, mais le temps de sa vie de famille, mais le temps de ses loisirs, le temps d'une pratique sportive, et le temps de se conduire en tant que citoyenne participant à la vie de sa localité et bien sûr à la vie du pays en général. Oui, mais dans ce cas, ce sont des problèmes humains qui concernent les travailleurs d'une manière générale. Aujourd'hui, nous traitons des problèmes féminins et du deuxième métier féminin, parce qu'elle peut avoir tous les problèmes masculins, plus cette espèce de responsabilité familiale qui retombe sur elle seule. Vous dites vaisselle, mais c'est aussi le fait qu'il n'y a pas de dimanche, qu'il n'y a pas de sécurité sociale, qu'il n'y a pas de retraite, que c'est tout de même le dernier des métiers, le premier et le dernier. Alors ça, c'est un problème qui déborde la vaisselle. Bon, je crois qu'une petite fille qui a demandé le micro, oui. Pourquoi les femmes n'ont pas le droit d'être présidente? Je crois qu'il n'y a rien dans la loi qui s'y oppose. Il n'y a certainement rien dans la loi, simplement on n'a pas pris l'habitude, on n'a pas osé, mais il y a des pays où elles sont présidentes, ça arrivera. Quand tu seras grande peut-être, parce que... Ouais. C'est pas impossible, rien ne le rend impossible. Oui, et oui, mais alors quand il y en a d'autres qui... Les femmes n'ont pas le droit des fois. De quoi ? Dans d'autres métiers. Il y a des métiers, c'est vrai, mais enfin de plus en plus ils s'ouvrent. Il n'y a plus beaucoup de métiers qu'elles n'ont pas le droit de faire. Simplement, elles n'en ont pas le temps ou pas la formation ou on les décourage. Il faut du courage pour être la première qui fait un métier. La première femme médecin, tout le monde s'est moqué d'elle. On a dit que ce n'est pas féminin du tout. Les femmes ne peuvent être qu'infirmières. La première femme avocate aussi. Personne ne voulait lui confier d'affaires. Elle a attendu des années dans son cabinet. Personne ne venait lui confier des affaires. Alors, les premières qui commencent, c'est toujours difficile. Bien, une autre intervention. J'aurais voulu revenir à ce qu'Antoinette a dit là, de ce dédoublement. Elle a dit « je m'exploite ». Je crois que c'est ça un peu le cœur du problème. Puis il a été dit aussi « il n'y a qu'un langage, il y a deux corps sexués différemment ». Si on avait pu recentrer sur cette femme divisée en deux, dont une exploite l'autre. Oui, eh bien écoutez, de manière tout à fait concrète, je sais que, par exemple, quand je dois faire ce genre de choses que je suis en train de faire, je m'exploite. J'ai par exemple l'impression que je redis des choses que j'ai pensées. Il y a des moments où ce que je dis ici me sort du corps, où ça sort. Ça doit se sentir. Puis il y a des moments où je redis des choses. Et c'est comme si il y avait quelqu'un qui parlait à la place de celle qui a senti. Et ça serait tout à coup le moment où je sens que ma parole, disons, se masculinise, entre dans des mots qui ne sont pas les miens, mais que je suis bien obligée d'emprunter, parce qu'autrement je ne pourrais pas dire, parce que les mots me manqueraient, qu'il y aurait des trous, qu'il y aurait des phrases avec tout à la place de chaque virgule, un comment dire, comment faire. Bon, et c'est justement de cette espèce de contradiction absolument poignante, presque à des moments vraiment tragiques, où chaque femme est, quand elle se met en lutte, que c'est là, en quelque sorte, à la fois la crête, le fil tendu, le gouffre au-dessus duquel on est et qui est inévitable. Mais je crois que si on se leurre, si on l'oublie, si on ne sait pas que cette lutte est une question de vie ou de mort, et toujours de la vie de l'autre au profit de l'un que je peux être, si je suis une féministe par exemple qui décide d'être un individu ou une individu. La notion d'individu revendiquée par les féministes me fait mourir de rire quand elle ne me fait pas pleurer. Parce qu'effectivement, individu, ça veut dire qu'il ne se divise pas, qu'il est un et indivisible, un moi autonome et fort. Et moi, je sais que je suis deux, je suis une multitude, qu'il y a une multitude de personnes, et que je crains que cette espèce de lutte de femmes soit l'effacement définitif des femmes, en tant que lieu d'une différence qui n'a jamais eu lieu, que non-lieu, si vous voulez. Et c'est une des choses, je ne sais pas au tranchant de quoi je me trouve et je me bats. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et même là, c'est très difficile d'essayer de vous dire ça, parce qu'il y a un espace de représentation, parce que j'ai un micro, parce que c'est quand même pas tout à fait une femme qui parle, c'est un lieu hiérarchisé. Et je pense qu'il y a, dans la moindre des situations où on se trouve, tout un processus dont nous sommes victimes tous, et avec parfois un consentement implicite, un peu passif, une situation de hiérarchisation et de pouvoir et de remise en jeu des valeurs, où chaque fois une femme meurt, dont chaque fois une femme fait les frais. Je ne sais pas comment le dire, même dans cette reprise de parole que nous assumons, même dans cette revendication que faisait cette petite fille à être peut-être un jour présidente, il y a ce risque qu'une femme en meure. Je ne sais pas, c'est Artaud qui a dit « toute société repose sur un meurtre ». Et moi, je pense vraiment profondément que ça repose sur le meurtre d'une femme. Et que tant qu'on est obligé de passer par des fantasmes sociaux, parce que la société, finalement, est pur fantasme, on remet à chaque fois à mort quelqu'un qui peut être soi-même. Moi, j'ai tué beaucoup d'une femme qui existait avant 68, depuis ce mouvement. Et puis il y en a d'autres qui sont renés, qui sont revenus au monde, qui ne seraient peut-être pas nés dans ce mouvement. Mais il y a une lutte pour la pulsion de vie, c'est-à-dire que ce soit essayer, pour moi c'est ça la lutte de femme, essayer qu'une femme vive. Toujours. Qui est l'autre qui soit là. Qui est au moins deux. Oui, micro gauche. Je trouve qu'on arrive là, à ce moment-là, à un problème qui redevient individuel, mais qu'on peut avoir toutes, c'est-à-dire le choix entre avoir un désir normal d'enfant, de famille, de mari, et le désir de s'occuper d'autre chose, qui peut être n'importe quoi, que ça peut être dans sa ville, ou dans un mouvement politique ou confessionnel. Et il y a un équilibre à trouver, et ça, c'est très difficile. On ne peut pas, par exemple, sacrifier ses enfants si on en a eu, et si on a eu envie de les avoir parce qu'on est une femme, parce que c'est normal qu'on ait envie d'avoir des enfants de l'homme qu'on aime. On ne peut pas les sacrifier à son action politique ou autre. Et on est toujours coincé, vous le dites dans votre livre, une femme qui arrive à un équilibre, par exemple, de travail et autre, elle a toujours la bouteille de lait à aller chercher le soir en rentrant. On a tellement de choses à faire pour être cette femme double, cette femme qui s'occupe de tout, de son intérieur, de ses enfants, de son mari, des autres, de son travail. Les journées n'ont que 24 heures, il faut quand même qu'elle se repose, qu'elle se cultive, qu'elle soit jolie, qu'elle reçoive ses amis. C'est un problème quotidien, et effectivement, on est non seulement double, mais triple, quadruple, il faut changer de casquette tout le temps pour faire face à tout. Oui. C'est terrible. Et ouais. Franchement, il y a des moments où on a envie de faire le vide et puis des niettes à tout parce qu'on n'y arrive plus. On ne peut pas tout le temps être disponible à tous. C'est ce que racontent beaucoup de livres de femmes actuellement, d'ailleurs. Ou des femmes qui s'en vont en lâchant tout, ou une femme qui ne se lève pas le matin et puis rien ne va plus. Je crois que ça n'est pas vivable, cette situation. C'est pour ça qu'il y a un malaise féminin. Mais il y a un malaise, mais qui ne pourra absolument pas... qui sera permanent, parce qu'on est une femme et qu'on met des enfants au monde. Non, pas permanent. Parce que vous dites le désir normal d'avoir des enfants. Un homme aussi, un jour, a envie de se perpétuer, d'avoir des enfants. Je crois qu'il devrait partager cette responsabilité. Mais oui, mais c'est pas lui qui les portera jamais et qui s'en occupera vraiment jamais. Si, qui s'en occupera. Si, pourquoi ? Bien sûr que si. Mais si, mais j'ai eu un homme qui langeait merveilleusement les enfants, qui faisait merveilleusement les biberons, qui s'en occupait. Mais quand même... Il a un métier, par exemple, qui fait qu'il voyage beaucoup. Mais quand il part, lui, 8 jours, ça ne dérange absolument pas l'organisation de la maison. Moi, quand j'ai dû partir 8 jours pour des séminaires, il a fallu que je me débrouille d'une façon extraordinaire pour faire garder mes 3 mômes, je vous assure. Même en organisant le mieux possible les choses, il n'y a rien à faire, on buttera contre ça. J'ai essayé toutes les formes de travail possibles et imaginables. On ne peut jamais arriver à ménager la chèvre et le chou. C'est impossible. Je crois qu'il me semble qu'il y a quelque chose de différent. Tout à l'heure, on parlait du double, c'est-à-dire d'une bisexualité. Par exemple, Benoît dit une femme... ou bien lâche tout, ou bien ne se lève pas le matin. Ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est que parfois, quand je sors dans la rue, il y a une femme qui ne s'est pas levée, qui est restée en situation allongée. C'est pas elle qui sort. J'ai pas trouvé les moyens que celle-là se lève. Tant pis, elle reste. Je mets mon petit manteau et c'est un homme, je dirais presque, c'est-à-dire c'est avec en me tirant des coups de pied aux fesses, au fond, que je sors. Bon, vous comprenez ça. Et vous parliez, vous avez dit avoir des enfants, une vie normale. Je crois que c'est une vie normalisée. Et alors là, la femme qui est maître Jacques de la comédie de Molière, c'est celle qui, toute la journée, doit passer à travers des modèles normalisés, c'est-à-dire elle peut être toutes les fonctions qu'on lui demande. Elle doit être active dans une série de fonctions qui sont programmées, mais où, à mon avis, il y a le plus souvent une femme qui reste couchée, en état qu'on peut appeler de psychose, je ne sais pas quoi. Et puis le jour où on dit non, c'est où celle qui est couchée est la plus forte et où elle tire toutes les autres à elle. Et c'est fini. Il n'y a plus personne qui fait semblant de sortir. Parce que quand on sort pour aller chercher la bouteille de lait, pour préparer aux enfants le repas, pour aller faire les courses, pour aller chercher à l'école. Moi, j'ai été prof à un moment, il y avait aussi le fait d'être prof. Je me disais, je me sentais vraiment maître Jacques, je ne savais plus où j'en étais. Mais je n'étais nulle part. Je vous assure que j'étais couchée quelque part dans un coin, vraiment sur... comme on dirait une pauvre psychotique. Et puis le reste, c'était de la représentation, c'était du semblant, c'était mon corps qui s'est déplacé, avec l'âme était ailleurs, et elle était en train de devenir folle, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est deux choses. Et justement, je crois que la lutte des femmes, ça serait d'arriver à ce que l'âme soit toujours là où il y a le corps. Je dis l'âme, c'est pas un mot abstrait ou spiritualiste, je veux dire ce qui fait que le corps peut parler, vous voyez. Bon, et je crois que c'était là qu'il y avait... Une équivoque un peu. Il y a une série de rôles dans lesquels on se promène, ils sont tous aliénants, ils sont tous du semblant, ils sont tous de la représentation, ils sont tous normalisés, ils sont ce qu'on demande à une femme de représenter plutôt que d'être. Vous avez dit jolie et tout ça, bon. Un des points de lutte, ça a été de refuser le plus possible ce type de représentation, pour ça les attaques à la féminité, les attaques aux masques de beauté, à toutes les sortes de publicités, et puis en même temps, faire en sorte que, y ait toujours quelque chose du comment on pourrait dire, tous les mots sont métaphysiques dans ce monde où nous sommes prises, mais disons quelque chose d'une vérité qui soit toujours là quand il y a un corps, disons. Et que le corps soit toujours là où on parle, où ça parle. Mais et madame ça, avait l'air de dire que ce rôle serait éternel pour la femme, qu'on n'en sortirait pas. Moi, je crois justement que... Mais parce que quand on parle de la société, je veux dire, on essaie d'aménager à l'intérieur de la société ou des sociétés des situations de femmes, au lieu de considérer que si les sociétés sont ce qu'elles sont, c'est parce que quelque part, il y a un rouage qui est resté caché, qui est la place qui occupe la femme. Exactement comme on ne peut pas améliorer la situation avant que Marx lève la censure sur cette chose incroyable qui n'était pas visible, qui était le prolétariat, c'est-à-dire l'exploitation de la force de travail, on ne pouvait pas... On pouvait améliorer. Je crois que tant qu'on ne démasque pas que la société repose quelque part sur la place qui est faite aux femmes, d'assignation sûrement à la reproduction, et puis d'échange des femmes, je le dis comme marchandise, entre les mains des hommes, eh bien si on n'arrive pas à voir que c'est ça la racine qui fait fonctionner toutes les sociétés, on aménagera toujours à l'intérieur des sociétés, mais on tournera en rond dans des rôles qui, de toute manière, sont comme sur le théâtre grec, toujours tenus par des hommes, et qu'une femme peut imiter. Voyez ce qui se passe, c'est qu'il y a un théâtre où il n'y a que l'homme, par son discours, par son pouvoir, l'homme comme entité, je veux dire, le symbole de masculin qui domine, et qui a censuré les femmes au-delà du moment de reproduction, exactement comme chez les fourmis, les aludes apparaissent pour la fécondation et puis après disparaissent, elles sont détruites, eh bien on pourrait dire que dans la société, dans toutes les sociétés patriarcales où nous sommes, les femmes servent à la reproduction et puis après il y a des assignations de rôles. Mais que vraiment, c'est une chose qui m'apparaît de plus en plus, comme sur un théâtre grec, cette société et ce monde symbolique étant régi par un seul sexe, tous les rôles sont tenus par des hommes, absolument tous. C'est-à-dire qu'on peut dire à la limite que la féminité, dont en rebattant les oreilles aux femmes, le modèle, c'est un travesti, la féminité. C'est pas par hasard qu'il peut y avoir une série d'hommes qui se travestissent et qui incarnent la femme mieux qu'aucune femme. C'est pas un hasard non plus si tous les modèles de l'image de la femme sont donnés, par exemple, par des couturiers homosexuels. C'est une chose qu'il faut savoir, que dans le domaine de l'art, c'est tout à fait la même chose. La féminité, c'est un travesti. Donc c'est un homme qui projette une idée de la femme, après l'avoir censurée, l'avoir écartée, l'avoir étouffée, l'avoir mise dans le gynécée, qu'elle n'ait pas droit à la parole, ni à son corps, ni à sa jouissance, tout ce que Benoît peut dire, il y a qu'il s'empare de la représentation, d'un système de représentation, d'une scène historique, et qu'il va programmer la féminité, ce sera ça. Ça sera un homme travesti. Après quoi, une femme peut faire retour par un effet de redoublement de ce travestissement et imiter le pédéraste qui a imité la féminité, qui a représenté. Mais c'est très important, ça a l'air compliqué, mais nous sommes pris dans une structure imaginée où effectivement, au théâtre grec, tous les rôles étaient tenus par les hommes. Si une femme veut se mettre à jouer sur un théâtre, elle passe par les modèles de représentation qu'un acteur a donné. Vous comprenez? Et nous sommes là pour tout, pour tout. Nous sommes dans un système d'imitation où nous imitons la maternité. On dit d'ailleurs mère phallique, bien sûr. Je veux dire, la mère phallique, c'est un homme travesti. La féminité, c'est un travesti. C'est un jeune garçon travesti. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui nous en informent maintenant. Et c'est l'unisexe. Pourquoi? Parce que deux femmes, il n'y a toujours pas. Je crois que c'est quelque chose qui paraît difficile à énoncer, mais que toute femme peut aisément arriver à sentir, à comprendre. Bon, alors moi, tout à l'heure, vous avez dit que la société aura toujours besoin de valeurs féminines. Et vous, vous dites qu'il n'y a pas encore de femmes. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer ce que c'est qu'une femme, alors? Je vous dis, c'est comme si je devais vous expliquer ce qu'est un prolétaire. Je veux dire, avant que ce soit, qu'il n'y ait pas de position de lutte commune, vraiment mise au jour et théorisée, par une pratique et par une théorie, c'est-à-dire une théorie, pas une abstraction, une conscience profonde, une pensée profonde et un discours de ce que c'est. Et c'est pas, il n'y a pas encore de femme. Je dirais, il n'y a toujours pas de possibilité qu'une femme existe. Et à partir du moment où elle se met à parler, où elle se met à exister, elle est confrontée à des modèles qui sont tous masculins. Et c'est ça qui la met en danger de mort. Si elle ne les emprunte pas, elle n'existe pas. Et si elle les emprunte, elle s'y tue. Je veux dire, une femme, les femmes, je crois que historiquement, ça n'existe pas encore. Et le but du mouvement, c'est de les faire apparaître historiquement comme lieu différencié, comme avec des valeurs autres et différentes. C'est l'altérité, une femme. C'est l'autre, C'est ce qui est autre, c'est ce qui n'est pas l'un, ce n'est pas l'identité, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas l'un, un et indivisible, c'est l'autre, c'est l'idée qui est deux, qui est plusieurs, qui est enfin une hétérosexualité qui existe, puisque je le dis, je le clame, je le répéterai jusqu'à plus souffle, nous sommes dans une société pédérastique. Quand Freud dit « il n'y a qu'une libido, elle est phallique, il n'y a qu'un seul sexe », ça veut dire que tout le monde passe par cette économie libidinale ou rien. Et après ça, on essaie de nous faire croire qu'il y a des femmes. Il y a la féminité, mais il y a l'armée, il y a l'Église, il y a l'État. Vous lisez même un journal comme Libération, on vous montre le Portugal, il n'y a que des hommes, que des hommes. Si c'est pas ça la pédérastie, qu'est-ce que c'est? Et ça s'entrebaise, bien sûr. Évidemment, il faut bien. C'était Dialogue, féminisme ou lutte de femmes, avec Antoinette Fouque et Benoît de Groux, une émission proposée par Roger Pilaudin et diffusée pour la première fois le 17 février 1976. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.